pour aller je ne sais où. Mais pourquoi pas, advienne que pourra, loin, loin, loin, loin, tant que tu roules. Je n'ai pas envie de gâcher ça. Seul au volant, je suis bien tranquille. Je n'ai que le vent qui me tient compagnie. Sans aucun mec où je les envoie à confesse. À confesse. Sans aucun complexe, je les vexe. C'est nécessaire. Pas besoin d'en faire tout un point, point, point, point. Je m'arrête dans un coin cool. C'est nécessaire, mais je suis cool. Cool, cool, cool, cool. Je dois faire pipi. Pipi, pipi, pipi, pipi. Dans ces chiottes immondes. Mais de nouveau, je trace et je trace. J'enlace le bitume et je suce les kilomètres. Jusqu'à la prochaine station. Maintenant, il fait nuit. Je m'arrête là pour manger. Dans un resto sur le bord de l'autoroute. Non, je préfère m'arrêter dans la nature. Dans un coin perdu. Au fin fond de la pampa. Je crois que j'ai trouvé. Une rivière, un coin d'herbe. Je m'installe et mange une faluche. Quand tout d'un coup, deux jeunes cons débarquent. Bonjour, ça va? Comment est-il? Cassez-vous! Pauvre débile! Je suis en contact avec moi-même. Pas envie de vous voir. Envie de rester seule ce soir avec les libellules et les grenouilles. Les hommes portent souvent sur eux un canif, en plus de leur équipement naturel, que l'on n'a pas chez les femmes qui ressemblent plus à des pyramides qu'à des cités. Je t'en foutrais de ta cité. À des pyramides qu'à des cités. T'es un campagnard au fond. Sans aucun mec où je les envoie à confesse. À confesse. Sans aucun complexe, je les vexe. C'est nécessaire. Pas besoin d'en faire tout un point, point, point, point. Sans aucun complexe, je les vexe. Sans aucun mec où je les envoie à confesse. À confesse. Sans aucun mec où je les envoie à confesse. À confesse. Sans aucun complexe, je les vexe. C'est nécessaire. Pas besoin d'en faire tout un point, point, point, point. Sans aucun complexe, je les vexe. Sans aucun mec où je les envoie à confesse. À confesse. Sans aucun complexe, je les vexe. C'est nécessaire. Pas besoin d'en faire tout un point, point, point, point. Sans aucun complexe, je les vexe. Sans aucun mec où je les envoie à confesse. À confesse. Sans aucun mec où je les envoie à confesse. À confesse. Sans aucun complexe, je les vexe. C'est nécessaire. Pas besoin d'en faire tout un point, point, point, point. Sans aucun complexe, je les vexe. Sans aucun mec où je les envoie à confesse. À confesse. Pas besoin d'en faire tout un point, point, point, point.